Les Bigoudins de Charles le Gothic à Eugène Lemuel. On les croit d'origine asiatique, leur coiffure tripartite tient à la fois de la mitre, du casque, du serre-tête et se termine par une pointe de forme priapique. D'après certains auteurs, les spirales des disques brodés sur leur plastron auraient une signification religieuse et symboliseraient la création du monde. Les ethnographes. Aplomeurs, raides, sous leur mitre, en plastron d'or vert, jaune ou roux, les bigoudins, sur le placitre, tournent au son des biniou. D'où viennent-elles, ainsi faites, avec leurs faces sans méplat, et les disques qu'au jour de fête, elles collent sur leurs seins plats? L'immobilité de leurs masques fait paraître encore plus lointain, dans l'aigre et sonore bourrasque, leurs yeux vaguement tibétains. Peut-être qu'au temps où la Gaule châtiait l'orgueil d'Attila, un débris de tribus mongoles vint à la nuit s'échouer là. C'était un plateau solitaire, un grand cap triste du Ponant, perdu tout au bout de la terre sous un ciel bas et frissonnant. Quand l'œil des fuyards dans la brume put l'explorer le lendemain, un mur circulaire d'écume partout leur barrait le chemin. Partout la mer sans borne, son sel corrodait l'eau des puits. Et, campés sur leur grand cap morne, ils n'en ont pas bougé depuis. Ils vivent dans cette ouate blême, les bras croisés sous leur menton, chrétiens au moins par le baptême et par la langue bas breton. Mais l'âme ancestrale persiste, et c'est toujours, comme autrefois, le vieil Orient fataliste qui stagne en leurs crânes étroits. C'est lui qui charge leur corps fruste d'or jaune ou vert ou cramoisi, et qui déroule sur leur buste une genèse en raccourci. Et lui qui, sur le front de nacre, des vierges encore dans l'avril, plante l'obscène simulacre d'un minuscule nerf viril. Ô filles des hordes camuses qui meurtrirent les chants latins, bigoudins en vos cornemuses hennissent des poneys lointains. Vous plongez au profond des âges, dans votre Orient fabuleux, vous aviez déjà ces visages ronds et ces crins aux reflets bleus. Sous des toits portés par des hampes et taillés dans des peaux d'élan, vos yeux retroussés vers les tempes s'ouvrirent voici 2000 ans. Et près des flots lourds, endormis, vous avez l'air dans vos draps d'or d'une peuplade de momies terrées aux confins de l'Armor. Ici se terminent Les Bigoudins de Charles le Gothic, enregistré par Christiane Johann.